Bon, celui-là, c'était pas ma partie facile du challenge. En effet, j'aime pas beaucoup Panda 2. Alors, j'ai plutôt été vers un film où il est solidement secondé par deux acteurs que j'adore, Gary Busey, l'albinos de L'Arme Fatale, et Tommy Lee Jones, le souriant Kay des Men in Black. Et que nous raconte ce chef-d'œuvre? Ben, des méchants, Gary et Tommy évidemment, prennent le contrôle d'un navire de guerre. Mais ils oublient le cuistot dans son frigo. Grosse erreur, le cuistot, c'est Saumon Agile, le meilleur des meilleurs, mais qui a tout laissé tomber pour vivre de sa véritable passion, les cookies et les andouillettes. Bien sûr, il va leur péter la gueule. À lui tout seul, se taper la Playmate et libérer ses copains sans oublier de sauver l'Amérique. Bon, c'est filmé platement et seule la BO a un tant soit peu de gueule. Les comédiens cabotinent comme des oufs, à l'exception de Steven, dont la finesse de jeu oscille entre le constipé pensif et le paresseux somnolent. J'avais de plutôt bons souvenirs de ce film, surtout lié aux deux cabotins, mais j'avais totalement oublié le côté misogyne profond, vieux réac et égotripesque de sa star mégalo. C'est peut-être le meilleur Seagal, mais ça n'en fait pas un bon film.